soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Duo, la bande FM. Si vous nous rejoignez, vous pouvez nous suivre également via la toile les www.radioduo.org pour l'écoute en stream et en ligne, en direct comme l'on dit, et autres actus et réécoutes possibles d'ailleurs via divers podcasts disponibles. Des mots, des sons sensibles en direct dans ce 12-13h, en ce mardi 18 février 2025. Alors simplement vous préciser que ce sont des rendez-vous croisés pour cette fin de semaine qui vous attendent. Vous retrouverez en effet cette émission en rediffusion demain 8h et jeudi à 19h. Tout cela croisé avec une double émission ou double rendez-vous en ce mardi 18 février. Je vous proposerai ce soir à 19h une émission spéciale réalisée en direct et en public le 14 février dernier par notre voisine cousine Radio Méga, qui est basé à Valence, qui a réalisé un plateau autour des 30 ans du label Jarring Effect, le label lyonnais bien entendu, qui avait pour invité les deux frangins Julien et Fabrice Oresta de Twinkle, qui sont aussi membres fondateurs de Hightone, un des groupes bien sûr du catalogue Jarring. Il y aura également Johan Guillon de Zero Gravity et membre fondateur d'Ezekiel, autre fameux groupe signé sur le label. Vous retrouverez justement le label manager pour Jarring Effect, il s'agit de Mo alias David Morel ou inversement. Il y aura également Taïma Lamalch du label et puis la directrice de la SMAC, la Cordo, où a été réalisé ce plateau, Céline Coutable, qui est également coprésidente de Grand Bureau. Une émission spéciale 30 ans du label Jarring Effect que vous retrouverez ce soir entre 19 et 20h, rediffusé ce jeudi à midi et vendredi à 8h. Jarring Effect, bien sûr, une maison musicale indé qui sévit depuis donc 30 ans, voire un peu plus, très orientée dub, électro-dub, mais qui s'est aussi aventurée sur des terrains plus hip-hop, pop, rock, noise ou musique électro de manière plus large. Une coopérative depuis 2007 et que l'on a suivi et que l'on suit attentivement sur cette antenne depuis de longues années maintenant, trois décennies, avec ces groupes que l'on a toujours accompagnés et diffusés sur nos antennes, que ce soit Hightone, La Phase, Meite Show, Ezekiel, Broadway pour exemple, le projet stéphanois, Cali Live Dub, Panda Dub ou encore Brendamage pour exemple. Et petite parenthèse d'ailleurs, Brendamage qui sera de retour en ce printemps 2025 avec un nouveau projet, nouvel album et une date d'ailleurs qui sera fêtée à la Maroquinerie à Paris le 14 avril prochain à l'occasion de cette sortie d'album en commun. Il s'agira de la rencontre de Brendamage et de la japonaise Emiko Ota pour un moment d'immersion musicale dans le monde des esprits surnaturels japonais, les yokai. Voilà, ça c'est un prochain album en perspective, très dub, post-dub. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la sortie, bien sûr. Le 14 avril à la Maroquinerie, Brendamage et Emiko Ota auront l'occasion aussi d'interpréter, ce sera toute ouverture, une sorte de bande originale en direct sur la projection du film La Malédiction des Yokai de Kimiyoshi Yasuda, film de 68. Bref, on ferme la parenthèse. Un programme aujourd'hui qui va être articulé, en trois points ou trois axes essentiels. On pourrait dire agenda politique, social, actualité culturelle également, essentiellement musicales, concerts et discographiques. Et puis, partenariat dans ce cadre-là, restez à l'écoute, à l'affût. Je concours, des places vous seront proposées pour quelques rendez-vous, concerts à venir. On ouvre ce programme des mots des sons sensibles. Eh bien, en musique, bien entendu, avec notre règle d'or, celle de vous proposer nos découvertes, partenariats, artistes, albums soutenus chaque semaine via la FERARock, notre fédération nationale des radios Rock de France ou Radio Musiques Actuelles. Double proposition à nouveau cette semaine, après vous avoir fait découvrir ou redécouvrir hier le projet 111 et l'album Oh Wow. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir ce programme avec l'autre découverte partenariat cette semaine. Il s'agit du nouvel album de Krill, Listen to the Whale. Et oui, le chant des baleines, très beau titre pour cet album qui est sorti le 7 février chez Plankton Records. Et oui, ça ne s'invente pas. Il s'agit d'un trio parisien qui est dans une veine plutôt pop et qui assumerait un virage plutôt rock sur ce nouvel album. C'est ce que vous allez découvrir au travers de ce titre que je vais vous proposer pour un album qui retrace les liens, en tout cas c'est un petit peu l'intention, témoignage au sein de cet album, liens qui unissent l'homme à la nature. Voilà, thème cher au groupe. Le trio emmené par Richard, Clark et Elliot, que je vous propose donc de découvrir en ouverture de ce programme avec le titre Beauty, B-I-O-U-T-I, et oui, avec un beau clip en animation d'ailleurs proposé par le groupe. C'est la découverte, l'artiste, l'album soutenu par la FERARock cette semaine en présentation, diffusion et jeu concours d'ailleurs. On vous rappelle que ces albums cette semaine font l'objet en effet de jeux concours et donc les albums sont disponibles et à gagner sur notre antenne pour ce un simple petit mail à redac@radiodio.org. On écoute Beauty de Krill, des mots des sons sensibles, c'est parti. You're a thing of beauty, curled up on yourself over there, a thing of beauty. Your prettiest clothes tonight. Beauty. When tears are coming out your eyes, and they're coming out a lot. I'ma swim inside these pretty flooded eyes. les liens qui unissent l'homme à la nature, je vous le disais, thématique chère à ce trio, en témoigne ce beau clip Beauty qui évoque précisément aussi bien le titre de cet album, Listen to the Whale. En effet, il s'agit du chant des baleines et au travers de cette animation qui fait l'objet de ce clip-là précisément, eh bien, un personnage vient sauver les baleines d'une pêche, on imagine bien, tragique et voire même intensive. Le trio, donc Krill, qui a sorti cet album le 7 février dernier, Listen to the Whale, chez Plankton Records. C'est la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine. Vous avez entendu le registre plutôt poppy sur ce titre-là, avec de belles harmonies vocales qu'a tenté aussi apparemment de travailler le trio. C'est la découverte, le partenariat Ferrarock cette semaine. Vous en saurez davantage en écoutant le programme Dig Dig Diggers de cette huitième semaine de cette année 2025. Ce sera bien sûr cette fin de semaine sur Dio. Une interview écoute auprès de Krill réalisée par Lucie de Westtrack. Vous retrouverez l'album et la focus régionale très fier de mettre à l'honneur 111, le trio. Là aussi, plutôt dans la région entre Lyon et Saint-Etienne. Allez, disons-le ainsi, l'album Oh Wow qui est sorti via le label Stéphanois Le Cri du Charbon. Et vous retrouverez là une interview réalisée par le collègue Loïc de Dio qui a réalisé aussi une émission spéciale que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site radiodio.org dans Plus Fort J'entends Rien il y a quelques jours de cela. Et puis vous retrouverez encore dans ce Dig Dig Diggers un live de Trotsky Nautique qui a été enregistré au Bar en Transe. C'était en décembre dernier 2024. Voilà pour les partenariats découvertes Ferra cette semaine. On vous le rappelle, hein, c'est en présentation, diffusion, programmation sur les antennes Ferra et donc sur le 895 de Dio. Et puis c'est l'occasion aussi de jeux concours. Alors on vous le rappelle, pour ces deux albums, à la fois de 111 et de Krill, eh bien ce sont des albums qui vous attendent. Pour ça, il suffit simplement de nous contacter, je le disais, via un petit mail sympathique, voilà, sans question particulière. La règle du jeu est simple, il s'agit juste d'un peu de curiosité et d'un petit message pour tenter de gagner ici ces albums partenaires Ferrarock. Plus d'infos encore, actu et autres, sur la Fédé, www.ferrarock.org. Considéré comme l'un des fondateurs de la littérature maghrébine moderne en langue française, Kateb Yassine, militant anticolonialiste, a également écrit en arabe et en berbère. Il a dans son œuvre voulu traduire l'identité et les aspirations profondes de son peuple. Kateb Yassine, instruit dans la langue du colonisateur, considérait la langue française comme le butin de guerre des Algériens. L'usage de la langue française ne signifie pas que l'on soit l'agent d'une puissance étrangère. Et j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français, déclarait-il en 1966. Kateb Yassine, né en 1929 à Constantine, dans l'est de l'Algérie, son père avait une double culture, française et musulmane. Après l'école coranique, il entre à l'école du lycée français, il participe à Sétif à 15 ans, en 1945, à la grande manifestation des musulmans algériens contre la situation inégale qu'il aurait imposée par le pouvoir colonial français. Kateb est alors arrêté, emprisonné 4 mois durant. Il ne peut pas reprendre ses études et se rend à Annaba, puis en France. De retour en Algérie en 1948, il entre au quotidien Algérie républicain et y reste jusqu'en 1951. Il est alors docker, puis revient en France où il exerce divers métiers. Il publie son premier roman et part à l'étranger, en Italie, en Tunisie, Belgique, Allemagne et autres. Et ensuite, il poursuivra ses voyages avec les tournées de ses différents spectacles. Il est généralement considéré comme l'un des fondateurs de la littérature maghrébine moderne de langue française, initiateur aussi du renouveau du théâtre algérien en arabe parlé. Il meurt à Grenoble en octobre 1989. Kateb Yassine fait l'objet d'un travail et d'un projet, alors on pourrait dire musico-littéraire, en tout cas c'est un concert littéraire, on pourrait le définir comme tel. En effet, c'est le projet Zone Libre qui s'empare des mots de Kateb Yassine pour se nouveau projet-là intitulé « Dans le crépitement du brasier souterrain ». Zone Libre, c'est le duo initialement formé par le guitariste Serge Tessoguet, le batteur Cyril Bilbo et aux côtés désormais du rappeur Marc Namour qui ont donc mis en musique et en parole les textes de Kateb Yassine. Dans le crépitement du brasier souterrain sera présenté à Saint-Étienne, salle Le Fil. Ce sera ce vendredi 21 février à partir de 20h30. Je vous ai proposé hier le précédent projet. Zone Libre et Marc Namour s'emparaient des mots d'Aimé Césaire pour Debout dans les cordages, que je vous ai proposé en intégralité et en diffusion hier à l'occasion de ce nouvel événement et nouveau projet qui sera présenté vendredi soir. Alors, simplement vous annoncer que dans le cadre de cet événement partenaire et de ce coup de cœur à la fois Phil et Dio, eh bien nous assurons un plateau radio en direct du club Salle Le Fil ce vendredi 21 février entre 19h et 20h. Entre 19h et 19h30, nous serons en direct de la salle avec une interview auprès de la directrice du Phil, Ludivine Ducrot, pour aborder aussi les problématiques, dirons-nous ainsi, en tout cas enjeux concernant les politiques actuelle et politique culturelle surtout. Et puis à partir de 19h30, ouverture des portes au public et vous aurez l'occasion eh bien, de nous rejoindre. On vous attend impatiemment à partir de 19h30 puisque le trio nous rejoindra ensuite au plateau pour poursuivre cette émission donc en direct et en public entre 19h30 et 20h en présence de Marc Namour, Serge Tessoguet et Cyril Bilbo. Ce sera entre 19h et 20h ce vendredi soir. Alors cela nous amène à déplacer ou bousculer un peu notre grille habituelle. Je vous ai parlé bien sûr du programme Dig Dig Diggers, l'ouverture de ce programme qui d'habitude vous est présenté le vendredi 12-13h en rediffusion entre 19 et 20h et le lundi en matinale 8h. Exception pour cette fin de semaine, Dig Dig Diggers sera diffusé vendredi à midi, lundi prochain à 8h en matinale et le soir à 19h. Et vous retrouverez ce direct donc de la salle Le Fil ce vendredi de 19 à 20h. On vous attend aussi sur place et derrière le poste, ce sera à nouveau vous proposer en rediffusion. Ce sera lundi prochain à midi et rediffusé à nouveau mardi à 8h du matin. Alors, je vous ai largement présenté ce projet et ce trio Zone Libre hier dans ce même programme, tout simplement à l'occasion de ce spectacle Dans le crépitement du brasier souterrain de ce vendredi soir. Eh bien, événement partenaire, je vous le disais, je vous propose tout simplement d'écouter un petit extrait de ce travail, extrait live, puisque eh bien, Zone Libre n'a pas encore enregistré et propose de support donc physique disponible. Ce sera sans doute le cas à venir, on en parlera avec le trio vendredi. Je vous propose donc un petit extrait de travail et donc live qui a été capté récemment dans le crépitement du brasier souterrain autour de Kateb Yassine que vous retrouverez en live vendredi soir. Et pour ce, eh bien, Dio vous y invite. Il suffit simplement de nous contacter. Ça se passe tout de suite maintenant au bout du fil 04 77 25 05 94 ou à nouveau, attention, si vous chopez la rediff, n'hésitez pas un petit mail à redac@radiodio.org. Dans le crépitement du brasier souterrain, extrait. Ne croyez pas avoir étouffé la Casbah. Ne croyez pas bâtir sur nos dépouilles votre nouveau monde. Ne croyez pas avoir étouffé la Casbah. Ne croyez pas bâtir sur nos dépouilles votre nouveau monde. Moi, j'ai visité des villes écrasantes, des villes dont les habitants craquaient entre les murs, des villes comblées de voyous, qui respiraient par de larges cicatrices comme des poissons, le ciel ouvert à la figure, des villes de mendiants intraitables, avec des chiens en peau de lion, qui jappaient dans le ciel attachés à la misère, des villes de fer, où le muscle et le cœur choqués faisait frémir les peaux d'épouvante murées de la sueur des villes tenues à l'œil. Et partout dans toutes ces villes vives, j'ai rugi de joie. J'ai rugi de joie en sentant ronronner dans mes poils d'immenses tornades striées de bonne hostilité, de claire colère d'assassin, de fin projet de ruine. Dans le crépitement du brasier souterrain, concert littéraire proposé par Zone Libre, emmené par Cyril Bilbo, le batteur, ex-Sloy, qui a accompagné Théo Acola et j'en passe, Serge Tessoguet, guitariste, au sein du projet Interzone, au sein de Noir Désir à l'époque, et puis Marc Namour, de son projet La Canaille, et bien d'autres encore. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette aventure, ce sera ce vendredi soir, entre 19 et 20 heures, en direct du Club Salle Le Fil, à Saint-Étienne, comme je vous le précise. Troisième fois d'ailleurs et troisième occasion de revoir Zone Libre à géométrie variable, hein, Marc Namour aujourd'hui en lead, mais ce fut alors d'autres rappeurs rappeuses. On se rappelle en 2009 une première présence à Saint-Étienne avec Amé de la Rumeur et Kazé pour exemple, et puis on l'avait retrouvé, c'était en 2015 ou 2017, je me rappelle plus, je crois que c'est 2015, avec Marc Namour et Mike Ladd également, qui s'était produit également au fil. Bref, grand plaisir de les retrouver. Donc ce vendredi, ça se passe le 21 février, 19-20h, plateau radio Dio part en live, et puis à 20h30, concert. Un communiqué que nous avons reçu des syndicats FO, Service Public et de Santé, et puis de la CGT, notamment du CHU 42, un point que nous avons fait à de multiples reprises sur cette antenne. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la réécoute du programme des mots des sons sensibles du 4 février dernier, qui est disponible et en podcast sur notre site, où des élus au sein du conseil municipal avaient déjà alerté sur la situation de la psychiatrie à Saint-Étienne et au CHU de Saint-Étienne. Démantèlement de la psychiatrie au CHU de Saint-Étienne, c'est le titre de ce communiqué de ces syndicats qui appellent toute la population ligérienne à participer ce jeudi 20 février à un grand rassemblement sous forme de chaîne humaine à 18h, place de l'Hôtel de Ville, avec les professionnels et les usagers, une campagne de tractage et d'affichage pour alerter les concitoyens qui sera également déployée à cette occasion. Un rendez-vous presse est également prévu. D'ailleurs, les syndicats CGT et FO des personnels du CHU de Saint-Étienne qui soutiennent sans réserve les revendications des professionnels de l'établissement à propos de la réouverture des lits d'hospitalisation fermés ces trois dernières années en psychiatrie et pédopsychiatrie, l'amélioration des conditions d'accueil des patients et l'arrêt des violences managériales de la direction. La situation est très rapidement devenue intenable et dangereuse depuis la fermeture de l'unité d'admission numéro 4. Hospitalisation de la crise du secteur de la ville de Saint-Étienne et de Saint-Victor, sont aujourd'hui les 20 lits de cette unité qui manquent cruellement, ajoutés à 10 lits de pédopsychiatrie fermés il y a quelques mois et à 13 lits fermés dans différents services adultes. Les conséquences immédiates sont d'ores et déjà très nombreuses. En amont de l'hospitalisation, ce sont les urgences psychiatriques qui débordent et parfois refoulent certains patients. Ce sont aussi les structures de consultation ou de suivi des patients, en particulier du centre médico-psychologique de Saint-Étienne, qui affichent des délais d'attente de plus d'un an. Ce sont surtout des situations individuelles dramatiques avec des personnes qui, par exemple, sont renvoyées à domicile en attendant la consultation dans 10 jours, alors qu'elles ont attenté gravement à leur vie, ou encore une tentative d'immolation, heureusement évitée par l'intervention des professionnels. Chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté a été ou peut être concerné prochainement par la détresse psychique et son lot de souffrances. C'est pourquoi les syndicats FO et CGT donc invitent à les rejoindre. Je vous avais fait part d'une pétition qui est en ligne sur change.org, qui peut être signée en soutien. Et puis les syndicats sollicitent bien sûr l'ensemble des élus du département afin qu'ils portent aussi au plus haut niveau et par tout moyen pertinent ce combat pour restaurer une psychiatrie humaine proche des personnels ou des personnes concernées et un hôpital public surtout qui réponde réellement aux besoins. Donc manifestation ou rassemblement sous forme de chaîne humaine, ce sera ce jeudi 20 février à 18h, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. une information que nous avons reçue du laboratoire Triangle, qui est un laboratoire qui a été créé en 2005, qui réunit des chercheurs, chercheuses du CNRS, des écoles, université de Lyon, Sciences Po Lyon, et de l'université Jean Monnet Saint-Étienne, qui est rattachée au CNRS Sciences Humaines et Sociales, qui est un laboratoire interdisciplinaire, sciences politiques, philosophie morale et politique, philosophie des sciences sociales, histoire de la pensée économique et études civilisationnistes. Et Triangle nous a rappelé ce séminaire qui va intervenir cette fin de semaine. Que nous enseigne la Palestine ? C'est un séminaire qui a pour objet de donner à entendre et à penser les travaux universitaires sur la Palestine et l'ensemble des enjeux sociaux, politiques, culturels touchant les populations palestiniennes au Proche-Orient et dans le monde. Il entend également donner à voir et à discuter les travaux produits par des chercheuses et chercheurs palestiniens, dont la production intellectuelle et scientifique est d'autant plus riche qu'elle demeure entravée et parfois invisibilisée par les réalités quotidiennes de l'ordre colonial et l'apartheid imposé par les autorités israéliennes au sein des territoires occupés de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, mais également auprès des Palestiniens, Palestiniennes d'Israël depuis 1948 et des Palestiniens, Palestiniennes en exil. Séminaire qui est pensé de façon transdisciplinaire et transversale afin de proposer des travaux appartenant à diverses traditions, champs de recherche, dans le respect de la diversité et pluralité des productions et réflexions existantes et qui ambitionne une libre circulation des idées et analyses afin d'établir un dialogue avec la recherche et la communauté universitaire locale dans une perspective de construction conjointe des savoirs. C'est une séance qui va se dérouler en ligne. C'est un webinaire qui aura lieu ce vendredi 21 février entre 16h et 18h. Il y a eu d'autres séances et séminaires passés, de multiples, dont par exemple pour la dernière, c'était en 2025, le 5 février dernier, transplantation d'organes en Palestine entre biotechnologie et colonialisme de peuplement. Et puis il y a eu en 2024 cinq autres séances, l'emprise des ONG et la reconfiguration du politique en Palestine, ce que la guerre à Gaza dit du monde contemporain, de quel ordre juridique international le cas de la Palestine est-il le révélateur, la colonisation également et l'occupation d'Israël, et puis d'autres rendez-vous qui ont lieu durant l'année 2024, notamment du côté de l'université Lumière Lyon 2. Alors, un nouveau webinaire, une nouvelle séance, ce vendredi 21 février, je le disais, entre 16h et 18h. Alors, si vous souhaitez suivre ce webinaire, eh bien, vous pouvez éventuellement contacter l'université, le laboratoire Triangle. Alors je vous livre un mail, c'est triangle au singulier en minuscule @ens-lyon.fr, triangle@ens-lyon.fr. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez aussi retrouver le titre et intitulé, résumé et autres actualités du laboratoire via le site dédié triangle.ens-lyon.fr. sur le site, mais vous proposez encore eh bien, une autre possibilité puisque c'est BDS Saint-Étienne, Boycott des investissements sanctions, qui propose eh bien, de suivre cette séance en direct. Ce sera ce 21 février sur les mêmes horaires bien entendu, 16h-18h à la CAL à Saint-Étienne, à l'Amicale Laïque du Crédroc, 16 rue Royer. Donc diffusion en direct de ce webinaire et de cette séance intitulée « Éducide en Palestine, destruction du monde universitaire palestinien » avec les interventions de Ibrahim Rabaya, professeur au département de sciences politiques à l'université de Bir Zeit, territoire occupé de Cisjordanie, et Lourdes Abbas qui est directrice de l'Institut d'études internationales Ibrahim Abou Lugod. Voilà, ça se passe donc ce 21 février en ligne de 16 à 18h et possibilité de suivre en direct. C'est aussi en anglais mais sous-titré. Ce sera à la CAL à Saint-Étienne, à l'Amicale Laïque du Crédroc, donc 16 rue Royer à Saint-Étienne. Voilà pour ces premières infos que je vous rappeler à l'instant et je vous propose de poursuivre avec une proposition musicale. Nous avons reçu des nouvelles du label Prohibited Records. On est bien dans les célébrations là actuellement des 30 ans à nouveau. On a parlé de Jarring tout à l'heure. Et bien voilà, 3 décennies à nouveau d'activité pour le label Prohibited Records. Qui va fêter cela? Alors, ce sera à la Marbrerie de Montreuil le 19 mars prochain, avec à l'affiche, bien sûr, le fameux groupe Maison, créé par les frangins Loro, Fabrice et Nicolas en 2000, NLF Free. en tournée pour son récent album O'Days, que l'on va écouter d'ici un instant. Il y aura également le duo Quentin Rollet et Jérôme Lorichon, avec un très attendu premier album Planisphère, qui devrait sortir justement mi-mars prochain via le label Prohibited et Curoneco. Puis il y aura encore le duo emmené par Brisa Rocher et Nicolas Laureau de Prohibited, et bien sûr du groupe qu'ils ont formé aussi, on parle de NLF Free, mais c'est aussi Prohibition bien entendu. Bref, tout cela va être fêté donc le 19 mars prochain du côté de Montreuil, mais c'est tout simplement l'occasion de s'écouter Prohibited, mais surtout NLF Free, puisque je le disais, alors les groupes ce sont NLF Free, Prohibition, pour Nicolas Laureau et Fabrice Laureau, ce sont les projets aussi plutôt solo, Flore pour l'un, il y a également d'autres projets, Don Nino, Don et Françoise, Françoise Breut. Sur le label, on a bien sûr retrouvé des Mendelssohn, des Herman Dune, des Elio Gabel, Prohibition bien entendu, et NLF Free notamment, que je vais vous proposer de retrouver donc en écoute avec un titre issu de ce dernier album. Tout cela pour vous annoncer aussi, au-delà de ces 30 ans et de cet anniversaire à célébrer, eh bien ce sera sur scène et sur la scène du Périscope. Alors il faudra faire votre choix pour ce vendredi 21 février, il y a bon nombre de propositions, mais c'est une très belle date là que ce vendredi 21 février au Périscope à Lyon, puisque le Périscope accueillera justement NLF Free, avec d'ailleurs le quintet Nuvola Nera qui partagera l'affiche. Bref, on écoute donc, issu du label Prohibited, eh bien NLF Free avec cet album, très bel album instrumental, O'Days, qui est sorti, c'était à l'automne dernier, 2024. Donc on trouve bien sûr Fabrice Laureau, basse, kalemba et synthétiseur, Nicolas Laureau au clavier, guitare, beatbox et autres. Et on retrouve à la batterie Jean-Michel Pires. Et oui, le batteur que l'on a aussi vu récemment à la batterie derrière, ou accompagnant Pascal Boisise. Et Bruit Noir, très bon dernier album et très belle prestation d'ailleurs, ça le file assez récemment. On en profite pour écouter, issu de ce O'Days, le titre tout simplement intitulé Canette, que j'ai sélectionné. C'est la troisième plage de cet album qui compte 8 titres. C'est NLF Free. Bon anniversaire Prohibited. We'll be right back. Voilà Jean-Michel Pires avec les Frangins, l'Euro pour NLFRU et cet album O'Days qui est sorti en octobre dernier 2024. Et c'est donc l'anniversaire de Prohibited Records, comme je vous le disais, les 30 ans. Cela va être célébré sur scène et puis en tournée finalement. Avec cette date pour la plus proche, je vous le rappelle, c'est au Périscope, donc ce vendredi soir. Et puis pour retrouver pas mal d'infos ici et là, voilà, sur le site et les réseaux, multitude de vidéos et d'interviews concernant justement cette longue aventure. À la fois les différents projets, à la fois pour Fabrice Leroux, par exemple, son rapport au son, lui qui a travaillé en tant qu'ingé son dans de multiples projets. Il a travaillé avec Dirty Free, il a travaillé avec Ian Tiersen, avec Shannon Wright et j'en passe. Bref, voilà pour Prohibited et ce concert donc de ce vendredi soir avec Nuvola Nera. C'est au Périscope ce vendredi 21 février. Très belle date lyonnaise que nous manquons malheureusement étant donc du coup sur la salle Le Fil et ce concert de Zone Libre. On poursuit ce programme des mots des sons sensibles du jour avec quelques autres infos à vous faire part. Alors j'évoquais tout à l'heure le rendez-vous en webinaire à la CAL à Saint-Étienne autour d'Educide en Palestine. Des infos que vous pouvez retrouver aussi sur le site participatif collaboratif le numéro 0 vers lequel je vous renvoie bien entendu le numéro 0.info où vous retrouverez d'autres infos justement et actus en forme d'agenda ou article dont par exemple cette info que nous avons relevé des collages pour la centaine d'enfants en demande d'hébergement dans la Loire. De beaux mais tristes collages, rappelle cet article, sont apparus sur les écoles stéphanoises la semaine dernière, dénonçant la situation des enfants à la rue, la journée à l'école, la nuit dehors, et qui invite à interpeller les responsables de cette situation. Donc vous avez peut-être pu observer cela près des écoles, notamment publiques de Saint-Étienne, ces collages représentant des enfants devant une tente avec cette triste mention donc à l'école le jour, à la rue la nuit, imaginé par un street artiste rennais, Faverfucker. Et ces collages s'accompagnent d'un écriteau indiquant que près de 100 enfants sont chaque semaine en demande d'hébergement d'urgence dans la Loire. Et il y est également précisé qu'il est possible d'interpeller les responsables de cette situation. En effet, si l'on scanne le QR code qui est affiché, un mail pré-rédigé s'ouvre. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Envoyer » pour le faire parvenir aux fonctionnaires de la délégation départementale Emploi-Travail-Solidarité qui gère le budget lié à l'hébergement d'urgence et aux élus municipaux en charge des questions sociales. Voilà qui est très pratique et je dirais stratégique. Voilà, si vous pouvez utiliser ce QR code, bien voilà. C'est un contenu de mail et adresse donc, qui vont être envoyés automatiquement. Le contenu du mail, justement, le corps du mail, je vous en fais part. Je vous contacte concernant le nombre alarmant d'enfants en demande d'hébergement d'urgence à Saint-Étienne et dans la Loire. Vous êtes destinataire de ce mail car au vu de votre fonction ou de votre mandat, vous avez le pouvoir d'améliorer la situation en tant que représentant de l'État. Vous en avez même le devoir. En effet, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, l'État se doit d'aider les familles afin que celles-ci puissent bénéficier d'un logement. Selon l'article même du Code de l'action sociale et des familles, la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Cela se traduit notamment par l'hébergement inconditionnel de l'enfant et de sa famille, comme le confirment encore d'autres articles du même Code de l'action sociale et des familles. Si l'hébergement des personnes sans abri est bien une compétence de l'État, les mairies peuvent aussi prendre leur part. La situation d'urgence actuelle le justifie. À Lyon, à Villeurbanne, les mairies prennent leurs responsabilités et refusent de laisser dormir des enfants à la rue. Nous attendons donc des actions rapides et concrètes de votre part afin que cette situation inhumaine cesse et que plus aucun enfant ne se retrouve à la rue. À vous d'agir maintenant. Voilà le mail donc qui peut être adressé automatiquement aux élus, je dirais personnes référentes directement concernées et en pouvoir d'agir sur cette question. Un article donc, comme je vous le disais, que vous pouvez aussi retrouver détaillé sur le site du numéro 0. Le numéro 0 qui rappelle encore un autre rendez-vous. On se projette un peu plus loin dans le temps, mais ce sera d'ici quelques jours, le 25 février. Un sociologue dont on a suivi aussi très largement les travaux. Il s'agit de Mathieu Rigouste, qui est sociologue, essayiste chercheur en sciences sociales, réalisateur, militant aussi, qui est auteur de nombreux ouvrages de recherche critiques sur l'ordre sécuritaire, qui a participé à bon nombre de documentaires sur ces questions aussi, et qui précisément là sera présent à Saint-Étienne pour la projection du documentaire « Nous sommes des champs de bataille ». Qui sera projeté ce 25 février prochain au Méliès Saint-François à 20h30 pour reprendre justement les mots de Mathieu Rigouste, je cite, « Depuis le début des années 2000, j'enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Pour cette raison, j'ai été fiché par les services de renseignement français. Il a même été en garde à vue et subi de violences policières d'ailleurs. Mais nous avons besoin de mieux comprendre cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j'ai décidé d'aller enquêter au cœur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États. » Alors oui, pour vous le préciser, Milipol, c'est un salon professionnel consacré à la sécurité intérieure des États, organisé à Paris les années impaires, qui existe depuis 1984, parrainé par le ministère de l'Intérieur français, qui accueille de nombreux visiteurs, exposants et professionnels, bien entendu. Alors, on le suit dans ce business mondial et dans les coulisses de ce business mondial. Et donc, il enquête sur la fabrication des guerres, la globalisation et la surveillance, et le commerce de la répression. Il s'agit, pour Mathieu Rigouste, de mettre en lumière les rouages d'un système en laissant ses principaux acteurs le raconter eux-mêmes face caméra et d'y réfléchir avec celles et ceux qui subissent l'ordre militaro-sécuritaire au quotidien et qui tentent de lui résister pour exister. À travers les interstices, Mathieu Rigouste interroge la participation à l'ordre des choses et du monde et notre capacité à nous préserver, à nous transformer. Dans le reflet de la machine de guerre, nous sommes face à nous-mêmes et à ce que nous voulons devenir. Conclut ainsi pour cette brève présentation Mathieu Rigouste de ce doc Nous sommes des champs de bataille, un film de 90 minutes de cette année 2025, dont dernière réalisation, production de Mathieu Rigouste, qui sera à Saint-Étienne, je le rappelle, donc ce 25 février prochain. C'est en partenariat avec BDS Saint-Étienne, la Friche de l'École d'art et design de Saint-Étienne, le comité Antifa, les JC de la Loire, Solidaire Loire. C'est en entrée à prix libre, 25 février, Méliès Saint-François, à partir de 20h30. Allez, un peu de musique à nouveau et encore, avec une autre actualité, un autre partenariat, une autre date. On reste sur la salle de musique actuelle Le Fil à Saint-Étienne. C'est cette fois pour ce samedi 22 février. C'est une soirée tardive. La soirée débutera à partir de 22h30 pour l'ouverture des portes. Et c'est la nouvelle Saint-Édub Club. C'est la 12e édition proposée par l'asso FZL. Avec du dub, bien sûr, gros son attendu. Avec le son de système local Green Things. Avec Jaël, qui était de retour via le label de Bigaranx. Notamment Fango, originaire de La Réunion, qui d'ailleurs va participer au sound system local Green Things. Il l'accompagnera pour cette édition au micro, le sound system en effet. Et puis, reconnaissance un peu plus large que locale, internationale véritablement, il s'agit du sound system Channel One. Channel One qui est un sound system britannique, reggae dub, originaire de Londres, en Angleterre, composé de Mike Dread à la sélection, et puis de Ras Kaleb en tant que MC. Un sound system fameux, pionnier du genre, systématiquement présent au fameux festival de Notting Hill, et qui d'ailleurs a fêté il y a 2-3 ans de cela ses 40 années d'existence et de participation, notamment au festival de Notting Hill. Comme quoi, je vous le disais, c'est vraiment un label fameux, label Channel One, qui fait bien sûr référence au fameux studio jamaïcain homonyme. Channel One sera présent à Saint-Étienne pour cette belle soirée, donc attendue ce samedi soir 22 février. Date partenaire, je vous le disais, là aussi nous avons des places à vous proposer. Alors ça se passe soit tout de suite maintenant au bout du fil 04 77 25 05 94 ou à nouveau si vous chopez les rediffs, un petit mail à redac@radiodio.org. On en profite pour s'écouter et s'immerger, je dirais, dans le son Channel One Sound System. Aye, aye. Yeah man, more strength every time. You know when Channel One come out, it's a musical vibration, it's an educational, yeah man, educational movements, you know. keeping reggae music alive across the world. Yeah, connecting the people with the real side of the music. Yeah, man, foundational, groundational vibration. So we can teach the new generation what this thing is all about. Not just about dancing and jumping about. Yeah, it's about connecting to the spiritual side of the thing, you know. Fulfillment. All right, my G. Yes, sir. We are the lions, and Chanel one them can't tame. Hear me now, yes we are the lions that they just can't tame. Yeah, come trick we with no evil us game. Chanel one, we are the lions that they just can't conquer. We standing firm like the lion of Judah. So yes we are the lions that they just can't tame. Them can't come trick we with no evil us game. My kindred, we are the lions that they just can't conquer. We standing firm like the lion of Judah. Them want come blow with them, with them maidens and them bombs. Them want come shoot with them, with them bullets and them guns. But the Rastafari, him said we come. In a the middle of the war, me said them can't knock we down. Chandel one standing so tall, and we standing so firm. Marcus can't be done, show with the thing we need to learn. And all of the youths at Chandel one concern. Say yes, right, and now we justify we come to burn. Say yes, we are the lions that they just can't tame. Them can't come trick we with no evil us game. Channel one, we are the lions that they just can't conquer. We standing firm like the lion of Judah. Ooh-ah-ah-ah-ah. Never let them worry you at all, no more. Yo. God with Rastafari, we safe and secure. Hear me now. I wonder why them man come lock off the door. So my kindred that tell them, them don't want to give a little bit unto the poor. So hear me song. So yes, we are the lions that they just can't tame. Them can't come trick we with no evil us games. Channel one, we are the lions that they just can't conquer. We standing firm like the lion of Judah. So yes, we are. Channel One Sound System pour la Sainte Dub à Saint-Étienne ce samedi soir. Le fameux sound anglais avec ses véritables haut-parleurs personnalisés, fabriqués à la main par le groupe qui fournit ce son assez unique. Basse lourde, médium percutant, aigu, affûté, c'est la marque de fabrique de Channel One. Et puis toujours sélection de disques pointus, autant oldies que dub assez et plutôt récent, joué exclusivement en vinyle ou acétate, les fameuses top plates, sur une seule platine à l'ancienne, et oui, accentuée par les échos, les sirènes, vous l'avez entendu de Mikey Dread, les paroles du MC Rascaleb également. La Sainte Dub, c'est donc ce samedi soir, salle Le Fil, 12e édition, une nocturne, c'est à partir de 22h. Yeah man, this is how we do the thing, Channel One sound, the people them sound, world sound, upliftment sound, encouragement sound, yeah man. More life and strength. And we do this car, we love it. Voilà l'ambiance pour samedi soir. Autre ambiance qui sera proposée cette fin de semaine, c'est une soirée de soutien. Je vous le disais, les propositions sont nombreuses. Ça va se passer du côté de la Gueule Noire, l'espace autogéré à Saint-Étienne. Soirée de soutien pour cet espace autogéré depuis de longues années maintenant. Lieu très actif et qui toujours fait de nombreuses et multiples propositions. Une soirée de soutien, c'est aussi une habitude et un rendez-vous régulier. Il y aura le groupe post-punk de Grenoble La Chia. Il y aura le groupe électropunk d'Aveyron Pédale, il y aura les Lyonnais de Nick Haywood et puis en DJ set de Synthé à Bibas. Soirée de soutien à partir de 20h30 ce vendredi 21 février à l'espace autogéré La Gueule Noire situé 16 rue du Mont à Saint-Étienne. Cytotech raconte deux histoires parallèles et vertigineuses, celle de Yuri Gagarin, premier homme à quitter le champ gravitationnel de la Terre, et celle de Natacha, sa compagne. À l'instant où Yuri affronte les dangers du premier vol spatial, Natacha, enceinte, choisit d'interrompre sa grossesse. Elle subit les séismes du médicament abortif Cytotech. Son acte sera voilé de secrets chargés de risques et de solitude. C'est l'histoire enfouie de cette femme qui avorte clandestinement, ce qui surgit à travers le corps de la danseuse, la voix de l'autrice et les compositions sonores. Au-delà d'une simple revendication du droit à l'avortement, Citotec ouvre un espace de résonance pour ce qui est si souvent traversé en silence. C'est une pièce proposée par la compagnie Djalma Primordial Science, d'après Citotec, je vais essayer de le prononcer correctement, Danorada Rugu Nundun. C'est du théâtre et de la danse à partir de 16 ans. C'est mis en scène par Efia Gbourek, récit, chant et jeu Anuradha Rugunundun, justement, musique électro-acoustique signée Gwenaël Rouillot, Vincent Valente également à l'accordéon et autres compositions sonores. C'est une pièce qui sera jouée cette semaine à partir de ce mercredi 19 février jusqu'au 23 février, donc jusqu'à dimanche prochain. Diverses séances, 19h ce mercredi 19, 14h et 20h ce jeudi 20, 14 et 20h le vendredi 21 et à 16h30 pour ce dimanche 23 février. Ça se passe du côté du Verso, le théâtre Le Verso, quartier Saint-François, La Ruelle. C'est au 61 rue de la Richelandière à Saint-Étienne. Allez, il est heure et temps de boucler et terminer ce programme. Alors on va terminer avec cette info Méliès et hommage, et on va même tirer le fil des hommages pour boucler ce programme. C'est une nuit hommage au réalisateur David Lynch, grand réalisateur qui nous a quitté récemment, avec plein de bonus, de quoi se restaurer, et puis trois films qui ont été sélectionnés et choisis, à l'appréciation d'ailleurs des spectateurs, spectatrices. En tout cas, voilà, trois propositions issues de sa filmographie. À 19h, Elephant Man, à 21h30, Lost Highway, et à minuit, Mulholland Drive. Ça va se passer au Méliès Saint-François ce vendredi 21 février à partir de 19h. Alors bien sûr, des films toujours aussi passionnants, énigmatiques, mystérieux, avec ces musiques signées bien sûr par Angelo Badalamenti, voire même parfois la participation de David Lynch, c'est le cas sur Mulholland Drive, musicien également, homme multicasquette véritablement. Badalamenti qui nous a quitté lui aussi il y a 3 ans de cela, en décembre 2022. Et puis encore récemment, et c'est là où je tire le fil, peut-être un peu capillotracté me direz-vous, mais bref, Angelo Badalamenti avait collaboré aussi il y a quelques années de cela, ça fait presque, ça va faire 30 ans, 95, il avait composé l'album Secret Life de Marianne Faithfull, qui nous a quitté aussi il y a peu. Alors voilà, c'était l'occasion aussi de divers et multiples hommages, finalement. Elle nous a quitté le 30 janvier dernier à Londres, et c'est vrai que je n'avais encore pas eu l'occasion de pouvoir lui rendre hommage et l'évoquer sur cette antenne. Alors voilà, ces choses faites aujourd'hui, Marianne Faithfull, pour boucler ce programme qui finalement a une carrière incroyable, un parcours incroyable, et puis pour son dernier album en date, a travaillé avec Warren Ellis, Bad Seed. C'est là un titre avec Nick Cave que je vais vous proposer de retrouver pour une autre production d'un peu plus tôt, il y a quelques années de cela, l'album Negative Capability. Elle avait aussi travaillé avec bon nombre d'artistes, hein, Nick Cave à multiples reprises, avec PJ Harvey également pour un album début des années 2000. Bref, ce titre lui convient parfaitement. Alors voilà, c'était l'occasion aussi d'un petit hommage, de multiples hommages en tout cas, pour boucler The Gypsy Fairy Queen avec Nick Cave par Marianne Faithfull en guise de générique de fin de ce programme. Tout bon chez vous, on se retrouve très vite, même lieu, même heure sur cette antenne. Ciao, bye.